duma palca, to chuj się nie gromy, bo pójdę do tańca, to chuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Halo After, rien de nouveau. Et encore une fois, pour la deuxième fois, encore une fois, après c'est pas souffrant non plus, eh ben, ce sera c'est la deuxième partie de la rétrospective 2022 préparée par les soins de Souris. Salut Souris! Salut Mickey, salut tout le monde. Bah ouais, parce qu'en fait, quand même, l'air de rien, on passe tellement de zik que déjà même là, arriver à juste sélectionner quelques trucs en deux parties, c'était un peu dur. Ouais, tu m'étonnes. Sinon, moi, je vous fais de nouveau toute une saison avec rien que des rétrospectives, quoi. C'est vrai que l'année prochaine, on peut se mettre en pause. Juste, on fait des replays. Bah, l'air de rien, on commence quand même à cumuler pas mal, je trouve, hein. C'est clair. Et en tout cas, aujourd'hui, on va aller du côté de la Pologne, la Russie, de la Bulgarie, de la Slovaquie. Et c'est déjà pas mal, hein. Bah écoute, ouais, c'est déjà pas mal. Alors bon, il y a en effet des morceaux russes dans notre rétrospective, bon, mais ouais, sur l'année, on a vraiment fait beaucoup, beaucoup moins d'émissions sur la Russie, étant donné que bah, c'était un peu chaud, en fait. Ouais, c'était un peu problématique, surtout le positionnement de certains groupes, au final, qui n'était pas très clair par rapport au conflit en Ukraine. Donc ouais, mais bon, voilà. Bon, après... moi, personnellement, je fais ce que je peux hein, pour pas passer des groupes qui puent du cul, mais bon, je ne suis pas infaillible non plus, les gens, donc si jamais vous énervez pas, quoi. Voilà. Voilà, c'est bon. Et en tout cas, on commence tout de suite du côté de la Silésie avec Casse-tête. Qui ont donc, comme je m'étais trompé la dernière fois, voilà, qui ont été interviewés par les soins de Souris en début d'année 2022. L'interview est passée le 12 mars et c'est l'épisode 49 de Alouest Rien de Nouveau. Ouais, et c'était en direct de la Silésie cette fois-là. En plus, Ouais, ça en c'était plus, chouette. c'est vrai, je me souviens. Ouais. Ouais. Et ensuite, on va enchaîner avec Sbire. Toujours la Silésie, hein. Qu'on avait interviewé, mais en. Oui, ça remonte, ça, par contre, un En sbire. 2021, février 2021, c'était l'épisode numéro 17. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Donc Donc. c'est la très grande année 2022. Ouais, là, l'interview, Ouais, c'est en dehors. L'interview de Sbire, en effet, c'est en dehors de 2022, carrément. ça. Ouais, donc du coup, pour Casse-tête, bah, on va vous passer un petit classique, hein, Brutal Crève Karaté, Brutal, le sang, le karaté, tout ça, quoi. Un petit pogo à la silésienne. Et Sbire, ce sera Podvorko, qui veut dire la cour intérieure. Bah, c'est aussi là où les gens traînent, boivent de la vodka et se mettent sur la gueule. C'est assez classique dans les bâtiments, enfin, la construction des bâtiments en Silésie, quoi. Le plus âge, C'était Casse-tête et Sbire pour commencer cette émission. Et nous allons poursuivre en continuant en Pologne avec Ziek Kiera. Chekera. Ouais, c'est ça. Chekera, qui veut dire hache, comme une hache, qui est aussi de Silésie, si je ne me trompe pas. Et alors, c'est un morceau qui s'appelle Fala. C'est super difficile à traduire. Fala, en fait, c'est un peu comme une espèce. Ça veut dire vague, normalement, littéralement, mais c'est souvent utilisé un peu comme de la moque, tu vois, comme une vague de violence ou un pétage de gaz, quoi. Voilà. D'accord. Et le morceau est censuré. Alors, je te laisse deviner, Milky, quel mot pourrait être censuré? Alors, est-ce que ça commence par court et ça finit par va? Ben, Il tu l'as deviné. doit y en avoir des bips. Bah, écoute, ça reste encore raisonnable, ça pourrait être pire. Mais donc, oui, voilà, c'est un morceau qui a été censuré. Donc, qui a été. Chaque courva a été couverte par un joli petit bip. Et en fait, j'aurais pu trouver le morceau sans la censure, mais je trouve que ça donne un petit charme. Ça C'est rappelle moins le bon drôle. vieux temps où on n'avait pas le droit de dire courva en Pologne. Parce qu'il faut le faire quand même. Ouais, c'est clair. C'était Sekira avec le morceau Fala, la version censurée. Nous allons rester du côté de la Pologne encore une fois avec The Headhunters et Bulbulators. Ouais, alors pour The Headhunters, j'ai mis Vampire et Bulbulators. On reste dans le thème silésien, Alcostory. Ciała wzbudza żądze krwi. Wbijam zęby swe. Pour The Headhunters et Bulbulators. Faisons maintenant un petit détour par la Russie avec The Zapoy. Ouais, donc avec Novosti, qui veut dire mauvaise nouvelle. Donc oui, bah, ça tombe à pic. Ты C'était The Zapori, pardon. Et nous allons maintenant passer du côté de la Bulgarie avec Beat of Terror. Ouais. Et le morceau Nepokorine, qui veut dire ah pardon, je vais y arriver, hein, parce qu'en Faites fait j'ai bon, la tu traduction en anglais, mais je me dis ah mais non, il faut que je le dise en français, c'est désobéissant, insoumis quoi. Ah, c'est ton morceau mélanchoniste. Putain, je t'interdis de me dire ça. Vrai, ça te ferait plaisir. Ah ouais, non. De rien. Ouais. Et voilà pour ce morceau de Beat of Terror, le groupe bulgare. Maintenant, nous allons faire un petit tour du côté de la Slovaquie avec Dovina et Sensura. Ouais, Dovina avec un titre, donc bon, allez, j'y arrive. Avec le titre Where Are You Now? Et alors, pour faire écho au titre de Headhunters qui s'appelle Vampire, j'ai choisi Glorf Dracula qui veut dire le comte Dracula du groupe Sensura. Hanging about the street, it was a lot of fun. Where Passons maintenant du côté, encore une fois, de la Russie avec FPG, après avoir écouté, bien sûr, j'ai oublié de les annoncer, Dovina et Sensura. Donc, FPG. Ouais. J'ai beaucoup craqué moi sur ce morceau hein, parce que c'est une cover de Kino en fait et c'est Notch. Qui veut dire nuit, pardon. Ah, notch. За окнами солнце, за окнами свет, это день. Ну а я всегда любил ночь. И это мое дело, любить ночь. И это мое право, уйти в тень. Я люблю ночь, за то, что мне меньше машин. Я люблю дым и пепел своих папирос. Я люблю кухни за то, что они хранят тайны. Я люблю свой дом, но вряд ли это всерьез. Эта ночь, ее электрический свет бьет мне в глаза. Эта ночь, ее электрический дождь льет мне в окно. Электрический голос манит меня к себе. Я не знаю, как мне прожить следующий день. Я один, но это не значит, что я одинок. Мой магнитофон хрипит о радостях дня. Я знаю, что завтра меня ждет несколько встреч. И кофе в известном кафе согреет меня. Эта ночь, ее электрический свет бьет мне в глаза. Эта ночь, ее электрический дождь льет мне в окно. Эта ночь, ее электрический голос. Et c'était FPG avec Notch, cette reprise de Kino, le groupe mythique qu'on vous a beaucoup passé au tout début de Allo Asriano. Ouais, c'est Si vrai. vous voulez réécouter des morceaux de la Russie avant la chute de l'Union soviétique, vous pourrez en retrouver plein dans les épisodes 6 et 7, passés en novembre et en décembre 2000, voilà. Ça remonte hein, quand même. Ouais, c'est... Ouais, c'est fou, hein, parce que là, on est en train, si vous ne suivez pas, là, on est en train d'enregistrer l'épisode numéro 76, quand même. Ouais, on commence à en avoir là. Hein. Ouais. Enfin, bref. Hein. Non, ça fait un peu les petits vieux, tu sais. C'est ça, complètement. Oh, le temps passe trop vite. Alors, en tout cas, c'est le moment d'écouter Baldwin et Division Oh. Vosiem Diesiat Siem. Bah, tu t'en es pas si mal sorti, écoute. Ouais. Donc, ouais, alors le morceau de Bad Will, ça sera We Are Lost, qui est aussi, je trouve, plutôt. Oui, ça tape en plein dans le mille. Et le morceau donc de Division Vosiem Diesatiem, c'est anti-hymne, donc un anti-hymne, et c'est un titre en hommage à Socrate Soutoula, qui était mort dans une rixe assez violente, quoi. Donc c'était un antifasciste très très connu en Russie. Я не стану рабом. C'était Bad Wind et Division 87. Hop là, de Russie. Et on va finir cette émission du côté toujours de la Russie et de la Sibérie même avec Crispy Newspaper et Criminal State. Ouais, donc Crispy Newspaper, c'est un groupe donc de Sibérie, comme tu as dit, hein, qui est de minorité yakoute et qui chante parfois d'ailleurs en langue yakoute et qui sont très très opposés et actifs à la guerre que la Russie mène en Ukraine, sans compter que leur minorité est d'ailleurs très très exposée au fait d'être embrigadée. Bien malgré eux, quoi. On en avait parlé la première fois dans l'épisode 61 qui est passé le 18 juin 2022 sur Ouais. les groupes russes et biélorusses qui ont pris une position claire sur le conflit. Ouais, voilà. Donc, à savoir, à chaque fois, hein, c'est des gens qui risquent ou qui sont en prison ou qui ont dû fuir la Russie à cause justement de ces positions, quoi. Donc, ouais, le titre de Crispy Newspaper, c'est Manifest. Et le titre de Criminal State qui ont dû partir hein, de Russie plus vite que le plus vite possible hein. Parce que là ouais je crois que ça craignait sacrément pour eux quoi le titre c'est Poutine qui est une cover de The Exploited et où ils disent tout leur grand amour pour Poutine vous comprendrez il y a quelques paroles en anglais qui sont très compréhensibles. Et en tout cas, Criminal State avait été interviewé lors de l'été 2022 par Toi Souris. C'est passé en fin septembre 2022, le 24, et c'est l'épisode 64 de Alouest Radio. Свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности – эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством. Государство стояло и будет стоять на страже безопасности каждого нашего человека. Путин, ты где? C'était donc Crispy Newspaper et Criminal State, et c'est là-dessus que se termine cette émission. Merci Souris pour la préparation et la co-animation de cet épisode. Eh bien, écoute, avec plaisir. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures dans À l'Ouest, rien de nouveau. Restez à l'écoute car la voix de la Hoï ne s'éteint pas. Salut! Salut tout le monde!